S'assumer totalement dans sa vibration. Qu'est-ce qui définit une vibration? La sensibilité d'abord, la structure mentale de l'ego à confronter ses craintes pour les dompter ensuite, et finalement, la nature psychique de l'être. Une personne qui a un statut cosmique clair et défini, une facilité à prendre des décisions et conduire sa liberté au plus grand dominium de conscience, est une personne qui abat dans la matière ses craintes. Soit de ne jamais penser ou croire qu'elle n'a pas le droit et l'autorité d'être sa seule autorité de conscience au cours de sa vie et dans la finalité de sa vie matérielle. Par conséquent, le double, la lumière et même les infinités parfaites des univers sont en obligation de respecter l'homme parce qu'il est dans sa vibration en totale fusion avec son intelligence, sa liberté et son rayonnement cosmique. Puissamment, cela établit que l'homme dicte sa destinée finale dans la matière et que celle-ci ne revient pas nécessairement à la lumière ou à une quelconque vibration émanant d'un royaume solaire de voyance n'appartenant pas à l'homme. Tout un jour doit appartenir à l'homme. Ce que l'homme voit et sait de lui-même doit devenir une conscience parfaite. Son devenir infiniment cosmique et sa lumière doivent totalement s'intégrer à sa vibration. Sa vie doit devenir sa vie et non pas la vie des plans. Parallèlement, l'homme, dans ce rayonnement de conscience, devient libre, scient et intelligent dans son universalité parce qu'il est dans sa vibration, dans la puissance de créer des éthers de vie qui lui procureront toujours une paix plus grande, une paix mentale face à tout ce qu'il vit, tout ce qu'il sait et tout ce qu'il est. Être vibratoire, c'est donc ceci, s'assumer totalement pour ne plus être divisible ou coupé simplement de sa vibration, c'est-à-dire de sa sensibilité unique pour dompter la vie au lieu que ce soit elle qui nous dompte. S'assumer dans sa vibration revient à dire que sa sensibilité a été totalement ajustée à la capacité que l'ego comprend parfaitement comment sa vie se déroule. Il connaît ses craintes et il peut les confronter pour les dompter. Ce faisant, sa vibration augmente de jour en jour et l'amène à une nature psychique beaucoup plus grande de la compréhension de qu'est-ce que c'est son être en lien avec les plans universels et qu'est-ce que son être doit intégrer dans la vie matérielle pour reconnaître quelle sera et quelle doit être sa paix. L'âme n'a jamais connu une aussi grande paix que l'esprit dans la matière parce que l'homme, lorsqu'il aura intégré cet esprit, fera vibrer en lui le caractère totalement impersonnel de sa puissance d'établir qui il est. Se réalisant la stature mentale de son ego à confronter ses craintes et à les dompter, lui permettra, dans sa vie personnelle, à être totalement celui qui décide des décisions qu'il veut prendre et non qu'il soit amené par vibration ou par volonté de plaire à la forme, de créer pour lui un espace. Ce faisant, l'homme pourra devenir davantage conscient que toutes les formes qui se trament doivent être un jour cassées. C'est-à-dire qu'une forme qui représente un besoin réel possède une durée limitée de vie. Et si l'ego est en mesure de reconnaître cela, il peut facilement casser une forme et être fluide dans la matière afin que la structure mentale de son ego ne soit jamais fixée à une réalité qu'il croit sienne. L'homme ne doit pas croire ce qu'il voit, mais il doit étudier parfaitement ce qu'il est pour savoir quelle est la vibration derrière la forme. C'est dans sa sensibilité qu'il pourra un jour dompter l'invisible, car cette sensibilité se joue sur deux plans. Soit qu'il a la haine absolue pour tout ce qui est mensonge, et que dans cette sensibilité, il possède aussi la voyance, parce qu'il a la haine absolue, de s'élever contre le mensonge. Sans cette puissance d'intégration de l'homme face au mensonge, l'homme ne peut pas dompter la vie. Il ne peut pas devenir ce grand dominion de conscience qui lui permettrait de fixer dans le temps sa voyance, celle-ci étant de pouvoir percevoir facilement tout ce qui se trame dans sa vie pour en reconnaître intégralement le statut cosmique de sa conscience pour qu'il puisse établir sa paix dans ce qu'il vit en tant que forme. Pour s'assumer totalement dans sa vibration, l'homme ne doit pas penser que c'est en évoluant que cela se fera, car les forces d'évolution seront toujours celles d'amener l'homme à un taux vibratoire le plus perfectionné, pouvant lui permettre d'être libre. Ainsi se joue en l'homme la capacité vibratoire pour lui d'établir sa paix, car cette paix sera sa plus grande évolution, lorsqu'il reconnaîtra qu'il peut dompter l'astral et qu'il n'est plus atteignable dans sa conscience par toute forme pouvant le manipuler. Il est clair que s'assumer totalement dans sa vibration veut dire que l'homme doit brûler l'astral en lui. Il doit complètement consumer toutes les formes de non-intelligence afin que celle-ci n'ait plus aucun impact sur sa conscience ou qu'elle ne puisse pas interférer dans son mental et ensuite altérer celui-ci par des réalités qu'il ne saurait reconnaître. Une réalité voilée amène toujours l'ego à se réfléchir et à penser qu'il est rendu à un stade d'évolution plus grand que celui dans lequel il se situe. Se réalisant, l'homme est désinformé et il miroite ainsi certaines formes de vie parce que celles-ci lui amèneront la chaleur spirituelle de penser qu'il a tel taux vibratoire et que son évolution est très grande. Alors qu'en réalité, l'évolution de l'homme se mesurera toujours par la capacité d'élever sa paix dans son mental afin que celle-ci rejoigne l'harmonie parfaite de sa conscience à diffuser dans la matière de nouvelles formes de vie, n'appartenant pas au monde de la mort, mais bien à l'infinité des mondes cosmiques étant ceux-ci. L'homme ne doit pas souffrir dans la matière. Un jour, il ne doit plus être un être souffrant, ce qui veut dire qu'il doit être un être totalement créatif. Créatif dans sa vibration, ceci voulant dire que lorsqu'il est face à une forme qui, dans le passé, a réussi à le manipuler, il s'élève automatiquement en autorité et il assume dans sa décision que la direction qu'il veut donner à sa conscience est celle-ci. Soit qu'il ne doit pas avoir de crainte dans cette décision afin qu'il puisse bénéficier pour la première fois d'une rencontre parfaite avec la liberté de son être sur les plans invisibles. Car pensez-vous réellement que les plans de la lumière n'ont pas accès à cette liberté? Ils ont toujours accès à cette liberté. Et comme l'homme ne diffère pas de la lumière, parce qu'un jour il doit s'assumer totalement dans sa vibration, il est reconnu par la lumière qu'ils auront à l'écouter lorsque celui-ci aura totalement ouvert ses lumières pour établir parfaitement que lorsqu'il vit une insécurité, cela veut dire pour lui qu'il y a un travail à faire pour qu'il puisse abattre une crainte qui lui permet dans son mental d'être ambivalent face à la vie. Pour dompter la vie, l'homme ne doit pas craindre la vie. Et naturellement, s'il souffre dans son ego, cet ego, cet individu ne peut pas abattre ses craintes parce qu'il y a trop de réflexions dans son mental. La souffrance vient toujours de l'ego, elle ne vient jamais de l'esprit. Et pour que l'homme s'assume dans sa vibration, il faut qu'il fasse descendre cet esprit dans son ego. Naturellement, lorsque l'homme commence à vraiment ouvrir ses lumières et à regarder sa vie avec un point de vue davantage froid, cela veut dire qu'il peut, dans sa vie, se donner des éthers beaucoup plus grands, car les décisions qu'il prendra l'amèneront toujours à dompter l'astral en lui. Et c'est en domptant l'astral en lui que son taux vibratoire s'élève, parce que sa sensibilité n'est plus brimée, et ainsi l'homme, dans la nature psychique de son être, peut élever sa conscience à une plus grande voyance de ce qu'il est. Tant que l'homme ne sait pas parfaitement ce qu'il est, il doit garder ses lumières très ouvertes parce qu'il est jouable dans sa conscience par l'astral qu'il n'a pas encore dévoilé complètement en lui. Mais l'homme doit garder en éveil qu'il doit s'assumer toujours et totalement dans sa vibration, ce qui le ramène à explorer progressivement et selon la capacité de se mettre en colère contre l'invasion psychique de sa conscience de forme astrale, est cela qui lui donnera l'autorité de mater la vie. On ne dompte pas l'astral avec de la spiritualité. Il s'agit donc pour l'homme d'être en autorité, et cette autorité-là n'est pas toujours de nature à générer en soi des énergies positives qu'on peut appeler d'embrasser l'astral en souhaitant que l'invisible soit généreux ou que celui-ci nous épargne de situations ou de formes de vie à vivre. Les plans de la lumière peuvent tout faire pour amener l'homme à évoluer. Ils peuvent le conduire jusqu'aux portes de la mort. Et c'est pour cela que l'homme doit en arriver à dompter l'astral en lui, pour qu'il puisse voir que le travail des forces de la lumière est un travail parfait et continu. Cependant, si l'homme n'est pas en mesure d'établir sa propre vibration et de s'assumer totalement dans sa matière, il est aussi jouable au niveau de la lumière, car ceux-ci savent qu'elles peuvent tirer telle ficelle pour créer chez lui une volonté d'évolution venant des plans de la lumière, mais qui généralement fait souffrir l'homme parce que l'homme n'est pas prêt et il doit vivre un choc de vie pour qu'il puisse évoluer. Car dans l'évolution de la conscience supramentale d'une personne, au départ, ce n'est que la souffrance qui peut le faire évoluer. Et plus les chocs initiatiques se font, plus l'homme en aura le bol de se faire mettre en initiation. Et c'est ainsi que son autorité, sa colère et sa haine contre tout ce que la lumière tend à faire sur sa conscience pour le faire évoluer, devient pour lui une haine absolue, lui faisant dire que ce qu'il veut vivre ou ce qui doit le rapprocher le plus de sa vie personnelle, c'est sa paix dans la matière, de toujours être, pour lui et sa conscience, un dominion de conscience lui permettant de voir ce que la vie est et quelle forme se place devant lui, pour non pas les embrasser, mais pour mieux simplement les lire, les dénoncer, ces formes, ou les jumeler à des besoins réels que lui reconnaît étant réels. Qu'est-ce qu'un besoin réel? Un besoin réel, c'est la nature d'une réalité, d'une forme, d'une vibration, autorisant à l'homme d'être bien instantanément dans sa peau. Lorsque le besoin réel n'est pas présent, l'homme doit le savoir. Et s'il croit vouloir dompter l'astral avec des décisions pouvant nourrir son ego, il se trompe absolument. Car tout ce qui peut balancer un ego dans la matière, lorsqu'il est scient et intelligent, c'est son intelligence de savoir ce qui se dresse devant lui. Et tant que l'homme n'a pas cette capacité, il ne peut pas s'assumer totalement dans sa vibration, car son statut cosmique face à la vie et à la matière n'est pas assez précis. Un statut cosmique relève de la nature de l'homme à reconnaître pourquoi il est descendu dans la matière en tant qu'âme et ce qu'il est venu faire ici-bas pour créer dans sa conscience le plus grand dominium de liberté possible, lui permettant un jour de dicter ou de converser avec la lumière d'une autorité vibratoire d'égal à égal. La lumière n'a jamais créé l'homme pour le subordonner à sa volonté. Elle l'a créé pour qu'il soit totalement intelligent de sa vie et qu'il soit lui aussi, tout comme ils le sont, un être de grande volonté, mais aussi de discernement. Savoir ce qu'on est venu faire dans la matière équivaut à élever son taux vibratoire de jour en jour, puisque les décisions que nous prendrons ne seront pas les mêmes. Si une personne vit une situation difficile, elle doit regarder trois choses. Premièrement, ce qui vibre en elle. Parce que ce qui vibre en elle possède une émotion particulière, pouvant générer chez elle de la culpabilité, du doute, du ressentiment ou autre sentiment illusoire pour l'amener à se réfléchir. Et la troisième chose, elle doit être capable de se mettre en autorité un jour contre ce qu'elle vit. Sinon, son évolution n'est jamais placée sous son autorité de savoir ce qu'elle peut générer comme colère pour dompter la vie. Et c'est petit à petit que l'homme apprend à dompter la vie. Cela ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est progressivement quand l'homme comprend que les forces de la lumière ne donneront jamais rien à l'homme. Si lui ne prend pas des décisions pour amener sa vibration sur le tas à une conquête absolue de liberté, la lumière ne peut pas faire cela pour lui. Et c'est dans ce travail cosmique de rayonnement que l'homme un jour décide et dicte la destinée finale de sa vie en étant lui-même sa vibration pour intercepter dans la matière ce que la lumière veut faire avec lui, mais que celui-ci n'est plus aussi manipulable parce qu'il refusera totalement dans sa vibration d'être le porte-étendard d'une forme évolutive pour les gens qu'il rencontre. L'homme conscient qui peut reconnaître la grandeur de sa vibration aura toujours comme objectif clair de regarder quelle est la paix qu'il concède lorsqu'il vit une réalité, parce que sa paix est pour lui son seul dominion de protection contre la lumière et contre tout ce qui peut être invasif pour le faire évoluer dans sa conscience et dans la matière. L'homme doit brûler l'astral en lui car les infinités de son immortalité ne lui seront jamais présentées lorsqu'il vibre à la mort. Et l'astral représente le monde de la mort. Il représente la configuration parfaite de l'évolution de l'âme pour l'amener, après maintes et maintes réincarnations, à se perfectionner pour mieux saisir que la vie dans la matière est une grande illusion. Car ce n'est pas dans un corps matériel que l'homme aura la plus grande conquête de sa liberté s'il n'intègre pas la contrepartie psychique de son être pour être totalement dans la matière un être de statut cosmique. Le statut cosmique ne s'élabore pas à partir du point de vue de l'homme. Il se saisit vibratoirement en lien avec l'infinité de l'homme à comprendre quelle structure mentale l'habite, c'est-à-dire quels sont ses grands talents pour amener sa vibration dans la matière. Donc, si vous êtes un communicateur ou si vous avez le talent de bien englober les autres par un travail qui peut être au niveau infirmier ou infirmière, ou encore si vous êtes une personne qui doit amener dans la matière d'autres formes de vie pour dompter l'astral au niveau de l'argent, il est bien entendu que vous ne percevrez pas l'argent comme la plupart des gens. Vous n'aurez pas d'insécurité face à l'argent, sachant que la lumière connaît exactement le compte en banque que vous avez et que vous, vous devez interpeller dans votre colère la vibration de toujours être dans la matière libre. Et donc, pour être libre, nous savons tous qu'il y a un minimum de conquête que l'ego doit faire en lien avec ses insécurités financières ou personnelles pour abattre toute manipulation lui faisant croire qu'il n'a pas d'argent dans son compte en banque. Alors que finalement, cet argent lui sera remis lorsque lui sera totalement intelligent de la création et de la matière, de dire sur la terre que ce n'est pas l'argent le problème, mais c'est bien l'inaccessibilité de l'homme à être dans la vibration de savoir qu'il doit arracher ce qu'il veut pour que sa vie soit paisible. Et tant que l'homme ne peut pas arracher ce qu'il veut pour que sa vie soit paisible, il est certain que la lumière se jouera de lui en lui retirant des sommes d'argent ou en le faisant vibrer à des insécurités financières. Car les grands fondements d'évolution de la conscience humaine se situent sur deux plans. L'un est financier et l'autre est émotif. La finance crée énormément de déséquilibre dans l'ego parce que sa sécurité matérielle est ébranlable du point de vue qu'il considère que le travail qu'il doit faire doit l'amener à être suffisamment riche matériellement pour avoir une paix vibratoire lui permettant d'être libre. Alors que cela n'est pas vrai, car l'homme doit se libérer du fardeau émotif de croire que la vie dans la matière repose uniquement sur une dynamique financière lui permettant ensuite de mettre de la paix dans son mental. La paix dans le mental de l'homme va venir bien souvent lorsque celui-ci aura été énormément confronté à de grandes forces de vie pour l'amener à ne pas avoir d'argent. Il en est ainsi, car les forces de la lumière peuvent, dans la gestion de ses finances envers l'homme, mieux savoir de ce quoi l'homme est fait. Pourquoi cela? Parce que lorsqu'on retire de l'argent à un ego, il y a nécessairement une force de volonté en l'homme qui doit se mettre en autorité pour que l'assurance d'être dans la vie de la paix qu'il veut construire ne devienne pas une insécurité financière lui permettant émotivement de vibrer à la nature de l'argent. L'argent est un phénomène astral, car il permet, dans la matière, à nourrir l'ego de forme de vie, lui faisant croire qu'il est en puissance, alors qu'en réalité, il n'est pas réellement cet ego en puissance. Prenez n'importe quel individu qui vit une initiation solaire et faites-lui vivre pendant 10, 15, 20 ans le retrait de l'argent et vous êtes assuré qu'il y a de fortes chances qu'il se dise que la vie de l'initiation, que la vie d'un initié se résume à une perte financière ou à un retrait d'argent ne lui permettant pas de se réfléchir. Et cela est vrai, car la lumière veut retirer à l'homme tout ce qu'il a, car elle veut lui dire finalement que sa vie matérielle est réellement une illusion et qu'il aura toujours l'argent nécessaire pour faire ce qu'il veut. Mais plus l'homme avance avec la réalité qu'il doit arracher sa liberté pour que sa paix dans sa vie personnelle soit grande et plus grande, il est assuré qu'il contestera la nature même de ses craintes face à l'argent pour les abattre une à une. Et c'est lorsque l'homme aura ouvert ses lumières complètement sur la dimension financière de son être dans la matière avec l'argent qu'il en deviendra totalement libre, parce qu'il comprendra que les forces de la lumière se sont toujours servies de ce dominion de vie pour lui enlever de la crainte. Et quand l'homme a de la crainte, il ne peut pas être dans sa vie beaucoup plus grand en vibration que ce qu'il doit être. Cela génère donc des insécurités financières, car il ne peut pas prendre les décisions en étant totalement libre avec l'argent. Et la deuxième grande faille de l'homme face aux grandes forces d'évolution de la lumière est celle de reconnaître qu'un besoin réel, ce n'est pas un besoin qui permettra à l'ego d'émettre de la réflexion sur sa vie. Ceci voulant dire qu'une personne qui gagne énormément d'argent peut croire qu'elle est en puissance. Elle peut penser et ensuite prendre des décisions lui permettant d'être en autorité, alors qu'en fait, ses décisions ne font que nourrir son ego et créer des impressions dans la matière qu'elle possède une vie totalement agréable. Et c'est pour cela que lorsque nous rencontrons des personnes très riches, nous croyons nécessairement bien souvent que ces personnes sont en total équilibre avec la vie parce qu'ils peuvent se permettre toutes les libertés qu'ils veulent. Mais cela n'est pas une vie très consciente. Et une vie évolutive dans la matière se résume donc à ceci, à des retraits, c'est-à-dire à de la compression, car l'illusion de croire que l'argent amènera de la liberté et de la paix dans un mental doit être totalement consumée par l'homme, car c'est une nature astrale de l'âme à vouloir se créer dans la vie certains rêves de vie pour ensuite donner à son ego l'impression qu'elle possède une grande vie. Donc, qu'est-ce que veut dire pour l'homme une grande vie? C'est s'assumer dans sa vibration au niveau de sa parole et de sa paix. Il doit savoir que sa paix doit être jumelée à un besoin réel et que sa parole doit suivre aussi tout ce qu'il considère comme étant ce besoin réel, parce que celui-ci doit être un jour réalisable pour l'homme. Sinon, s'il n'est pas réalisable, c'est qu'il ne peut pas arracher à l'invisible l'autorité de savoir ce que lui est venu faire dans la matière et ce dont il a droit pour ne plus être annexé à la vibration qu'il doit évoluer pour être libre. S'assumer totalement dans sa vibration mène donc l'homme à être dans la matière une autorité de conscience pouvant régir totalement ce que la lumière veut faire avec lui, car il peut converser avec la lumière et définir lui aussi dans son autorité la voyance qu'il doit appartenir pour que les décisions qu'il prenne soient elles aussi vibratoires et non une réflexion de son ego, parce qu'il veut se protéger de certaines insécurités matérielles ou qu'il veut se donner l'impression qu'un besoin est réel alors qu'en fait ce besoin n'est qu'un désir. La sensibilité unique de l'homme doit un jour lui permettre de reconnaître la nuance parfaite entre un désir et un besoin réel. Et cette nuance est celle-ci, le désir est la volonté de l'ego à évoluer. Et lorsque l'ego veut évoluer, il va toujours se donner l'impression que ce besoin correspond à sa liberté et à sa paix, alors qu'en fait, le besoin réel de l'ego est un besoin qui est arraché à la toute fin de l'élimination d'un désir pour en comprendre parfaitement toutes les manipulations qui ont été orchestrées contre l'ego pour qu'il pense avoir accès à la liberté et de la paix. Et c'est pour cela que l'ego un jour s'aperçoit que s'il y a de l'argent dans son compte de banque, il est bien, et s'il n'y a pas d'argent dans son compte de banque, il est bien aussi, dans sa tête. Mais comment l'homme peut-il amener un besoin réel dans la matière à être plus grand que ce que la lumière entend faire avec sa conscience pour qu'il soit libre? C'est qu'il conteste tout, car la liberté de connaître ce qu'il est sera toujours plus grande que ce que la lumière un jour doit savoir de lui. Car sinon, l'homme ne pourra jamais dicter à la lumière qui il est. Et le principe de l'amour fait partie de cette intégration-là de l'intelligence parfaite de l'homme avec sa volonté, lui donnant ainsi le caractère unique et universel d'asseoir dans sa parole la plus haute des vibrations qui soit, pour établir que le dominion de sa liberté en lien avec sa paix ne pourra jamais venir d'une définition de la lumière sur sa conscience, mais que cette définition proviendra toujours de lui. Donc, c'est l'homme qui dicte un jour à la lumière ses besoins réels, et s'il reconnaît que pour faire le travail qu'il veut faire en lien avec la matière, il doit posséder des ressources financières plus grandes, il ferait simplement communiquer à la lumière cette réalité, et ensuite, il regardera ce qu'eux décident en lien avec cette réalité-là. Car ce n'est pas vrai que l'homme doit quémander à la lumière. Il fait simplement dicter et dire. Et quand on dit que l'homme dicte, il commande à la lumière ce que représente pour lui l'établissement et le respect de sa paix. Si l'homme perçoit que l'établissement de sa paix passe par l'équivalence d'une reconnaissance plus grande de la lumière face à lui-même, cela veut dire qu'il est dans sa vibration. Une personne ne peut pas être dans sa vibration et désirer des réalités. Tout vient à l'homme lorsque son mental est prêt. Ce n'est donc pas qui veut, mais c'est qui peut, dans sa vibration, qui arrache à la lumière la liberté d'être son propre dominion de conscience dans la matière, afin que l'ego s'assume dans toutes les décisions qu'il prend, qu'il n'y ait plus d'insécurité dans le mental de l'homme face à la vie, et c'est dans cette prise de conscience que l'homme peut percevoir la dimension cosmique de son être sur les plans pour la faire descendre dans la matière. L'autorité de conscience la plus grande pour un être dans la matière est puissamment d'interdire à l'astral de le pénétrer. Ceci voulant dire que l'homme a les lumières ouvertes et qu'il sait reconnaître dans sa vie personnelle là où il se fait piéger. Tant que l'homme ne peut pas reconnaître les pièges qu'on lui tend depuis des années pour le faire évoluer, eh bien, malheureusement, il souffre parce qu'il doit évoluer. Et c'est quand l'homme cesse d'évoluer qu'il devient tout simplement un rayonnement vibratoire, ne laissant aucune aspérité, c'est-à-dire entrer à la noirceur pour le pénétrer, même si cela vient des forces de la lumière, pour le tester ultimement dans sa rencontre finale avec le monde de la mort. Si l'homme doit traverser la mort, il ne le fera pas dans une conscience chaude, il le fera dans une conscience froide qui lui permettra d'établir le rayonnement spécifique de tout être vibratoire qui veut ou qui essaie de se rapprocher de lui. Dans la vibration, l'homme sait ce qu'il rencontre. Et pour être dans la vibration, l'homme doit faire cesser ultimement les forces de vie évolutive qui veulent l'amener à évoluer. Lorsque l'homme établit que sa paix dans son mental est sa plus grande évolution de conscience face à la vie en elle-même, il ne lui reste que plus qu'à apprécier cette paix et à se générer à l'intérieur d'un mental libre, calme et froid. La conscience parfaite de l'homme, en lien avec sa voyance et son devenir, ne pourra jamais venir de la lumière. Elle vient de la rencontre absolue de l'homme avec sa propre lumière dans la matière, parce qu'il est en mesure à ce moment d'inverser dans sa conscience les entrées ou les pulsions astro-rythmiques des mondes de la mort et des mondes invisibles sur sa conscience, voulant le manipuler ou encore le faire évoluer. Une destinée finale dans la matière, c'est l'intégration de l'homme des sphères invisibles en lien avec le statut cosmique d'une conscience qui doit le mener aux portes de son immortalité. L'homme ne peut pas être mortel infiniment. Il doit cesser un jour d'être pénétré par les mondes astraux, et c'est seulement au fur et à mesure qu'il s'assume dans sa vibration, qu'il ne se colore pas dans sa conscience de volonté factice ou de désir, pouvant lui faire croire que lorsqu'il sera arrivé à ce stade de vie, qu'il sera bien dans sa peau. L'homme doit reconnaître aujourd'hui, dans sa conscience, qu'est-ce qui l'empêche d'être bien dans sa peau. Et il doit travailler continuellement sur cette réalité, soit d'abattre toutes les craintes qui le gouvernent pour être devant la vie insécure, soit au niveau des finances, soit au niveau du couple, ou soit de sa capacité à se générer lui-même pour se donner plus de liberté. Si une personne est dans un emploi qu'elle n'aime pas, la seule manière d'être bien dans sa peau pour elle, c'est de comprendre pourquoi elle est dans cet emploi qu'elle n'aime pas et qu'est-ce qu'elle a à faire dans cet emploi avant de connaître ce qu'elle doit intégrer. Si ce qu'elle doit intégrer, c'est l'autorité d'être moins influençable par ses collègues de travail, cela est déjà une force évolutive qu'elle abattra elle-même parce qu'elle saura que depuis des années, cette grande faille qui réside en elle est possiblement la conquête qu'elle doit faire pour un jour être son propre dominion de conscience. L'homme n'a pas 50 000 failles. Il a une très grande faille qui doit être dévoilée, et cette grande faille qui doit être dévoilée est naturellement, forcément, celle qui a le plus de potentiel de générer dans sa conscience d'énergie négative pour le manipuler. Ce faisant, la culpabilité étant de l'énergie négative, le doute étant aussi une grande énergie négative. Alors que les énergies spirituelles, étant la confiance en soi, ou le positivisme, de dire « Ah, je n'ai seulement qu'à mettre des belles pensées dans ma tête pour accomplir ce que je veux », fait naturellement partie aussi de la manipulation des forces de la noirceur pour empêcher l'homme d'être un jour son propre dominion de conscience. Les illusions de la vie pour mener l'homme à la subordination d'entités spirituelles sont très grandes, et l'homme doit le reconnaître un jour. Dans son rapport avec l'argent, une personne peut très bien saisir le niveau de ses craintes face à la vie. Et ce n'est pas parce qu'on rejette l'argent que cela veut dire qu'on est conscient. Faire un vœu de pauvreté face à l'argent n'est pas plus intelligent qu'avoir de l'argent. La puissance de l'homme réside dans l'exercice de son savoir dans sa vibration, c'est-à-dire qu'est-ce qui le met le plus en contact avec sa lumière pour être dans sa sensibilité celui qui décide de la prochaine décision qu'il prendra pour générer dans sa tête de la paix. Et si la décision qu'il prend ne mène pas à avoir dans sa tête de la paix, il doit s'assumer dans cette décision-là et dire « Demain, il y aura une autre décision à prendre et celle-ci sera encore plus grande. » Ce faisant, il établit la courbe directive de ne pas être manipulable et il se donne ainsi l'autorité de revenir dans son centre de gravité pour se dire que même si ça va mal, au niveau d'une forme, cela va bien pareil, car les forces de vie évolutives de la planète Terre ne cesseront pas. Ils ne font que commencer et cela veut dire qu'il y a beaucoup d'égos qui seront placés en déséquilibre dans les années à venir, car les illusions qu'ils ont à croire qu'ils ont des grandes vies est implicitement liée à la nature d'avoir de l'argent dans son compte en banque. Comment l'homme peut-il être libre dans la matière et aussi avoir la paix dans sa tête tout en étant en puissance de décision de générer dans sa matière des ressources financières adéquates, le menant à toujours pouvoir dans sa conscience rencontrer ses besoins réels? Est-ce que les besoins réels de l'homme sont grands lorsqu'il est conscient? Naturellement, ils sont grands parce qu'il veut protéger sa paix. Et ce n'est pas peut-être dans un centre-ville qu'il le fera s'il n'a pas un appartement qui lui convient parfaitement pour avoir cette paix. Et la pauvreté de la vie dans la matière se résume aussi à une incapacité matérielle de générer autour de soi de la paix. Et financièrement, cela demande donc de la colère en l'homme pour générer une force de travail qui lui permettra de pouvoir vivre dans la matière une vie dans laquelle il se repose. L'homme ne peut pas toujours être en conflit dans le travail, il ne peut pas toujours être en conflit avec les essences de l'argent, parce que cela, un jour, l'amène à se brûler totalement de la vie dans la matière, c'est-à-dire qu'il n'aura plus le goût de vivre cette vie dans la matière. Donc, il est important que l'homme garde ses lumières ouvertes et sache quels sont ses besoins réels pour qu'il puisse les préciser à la lumière. Si vous dites qu'un jour vous devez habiter à la campagne, mais cela doit se réaliser dans cette vie, cela ne doit pas se produire dans une autre vie. Si vous dites que vous devrez rencontrer un homme ou une femme pour vivre être en couple, cela doit se réaliser dans cette vie et non dans une autre vie, car cela implique que vos lumières ne sont pas ouvertes. Et s'assumer totalement dans sa vibration, c'est savoir ce que l'on est venu précisément faire dans la matière pour atteindre le plus gros dominion de conscience vibratoire, se permettant ensuite d'être dans son ego libre de la vie dans la matière et d'appartenir à la paix dont nous devons avoir droit dans cette vie et non dans une autre vie. Sinon, si vous pensez que la paix doit venir dans une autre vie, vous êtes encore manipulable selon les forces d'évolution, des forces de la lumière, qui essaient de vous faire croire que la vibration que vous aurez accès dans la matière ne peut pas être plus grande que celle que vous avez présentement. Et cela est faux complètement, car le jour que vous contestez cette vibration avec le feu, la haine et la colère, Vous savez que la lumière ne peut pas vous mentir. Et cela arrête chez elle la manipulation à l'égard de votre conscience, parce que l'autorité de dicter ce que vous êtes ne peut pas appartenir à la lumière. Être conscient, c'est être intelligent. Être intelligent, c'est de dicter la courbe évolutive de son être en lien avec la paix que l'homme doit se créer dans la matière pour ne plus être un être manipulable, mais pour être un être libre à tous les niveaux de vie qu'il soit. Que le monde de la mort existe présentement pour générer sur la Terre des insécurités matérielles dans la vie de l'ego, cela est normal. Ce sont des forces d'évolution qui servent à la lumière pour déprogrammer l'homme et déprogrammer l'ego dans sa conscience que la vie de l'âme est une grande vie. La vie de l'âme n'est pas une grande vie. La vie de l'âme, c'est de la manipulation et la vie de l'esprit, c'est la dictée permettant à l'homme d'établir qu'un jour, s'il ne fait pas descendre celui-ci dans la matière, il sera toujours un être évolutif parce qu'il ne pourra pas intégrer et fusionner avec cet esprit pour ensuite arracher et dire dans une conscience parfaite que la lumière ne peut rien pour le faire évoluer parce que lui sait déjà ce que la lumière doit faire pour amener dans la matière la liberté et elle-même ne pas être assujettie aux forces de destruction en étant celle-ci parce que lorsqu'elle dicte ou qu'elle conditionne l'ego à vivre dans la matière des insécurités, elle sait très bien que les forces sur les plans invisibles vont intercepter toujours ce rayonnement pour se servir sur les plans invisibles de cette énergie contre la lumière. Et c'est pour cela que l'homme doit devenir un dominion universel. Parce que l'homme doit traiter avec une lumière parfaite et la lumière ne peut pas traiter continuellement avec l'homme dans une conscience imparfaite car cela donne de l'autorité au monde invisible de la noirceur dans les grands univers parallèles. Une vibration, ce n'est pas de la réflexion. C'est une conscience absolue, une vibration. C'est une dimension de l'être, une vibration. C'est une infinité de l'homme à se générer suffisamment dans sa conscience pour arracher ses besoins réels, tout le temps, pas sporadiquement, tout le temps, jusqu'à ce que lui sache que sa paix dans son mental est intacte. Même si la réalisation d'une voyance qu'il a perçu en lien avec sa vie personnelle ne se réalise pas parce que l'homme n'est pas un être qui est fixe dans la matière, il est fluide, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs vibrations qui peuvent pénétrer son mental et que la lecture progressive des vibrations lui permet toujours d'avancer selon la liberté et la paix qu'il veut. Et ce n'est pas parce qu'on lui présente une forme un jour que cette forme sera pour lui ou qu'elle deviendra cette forme une croyance. L'homme est fluide dans la matière. On lui présente telle situation, il la saisit vibratoirement. Il peut se dire « Ah, ça va vers la réalisation du besoin réel que je perçois. » Et ensuite, la lumière peut très bien présenter une forme contradictoire ou trois formes contradictoires, simplement pour revoir ou percevoir si l'ego vibre émotivement à ce besoin réel. Même si ce besoin réel fait partie d'une réalité à venir, la lumière veut savoir à quoi l'homme vibre. Parce que si la lumière ne sait pas ce que l'homme est, ce n'est pas elle qui pourra lui dire quand il sera cet homme qui il est, il sera qui il est. Mais tant que la lumière peut tester l'homme et voir ce qu'il est, il est assuré qu'il y a un jeu de va-et-vient entre l'accès à certaines vibrations et certaines voyances qu'il a face à sa vie, jusqu'à ce que lui arrache tout ce qu'il a arraché pour être sa vibration. Et c'est en s'assumant dans sa vibration, en prenant des décisions et en regardant étroitement comment ces décisions se matérialisent et comment l'ego vibre à ces décisions et à la matérialisation de certaines formes, qu'il peut voir s'il concède à la lumière une autorité d'évolution sur lui ou si encore il arrache dans sa sensibilité la voyance de savoir ce qu'il est. Et l'homme doit toujours savoir ce qu'il est, sinon il sera toujours manipulable, il sera toujours un être en évolution et cela, c'est de la merde. Du point de vue des forces de la lumière, l'homme doit cesser d'être un être en évolution parce que l'homme leur aura dit que seulement c'est la paix dans sa tête qui compte. Et ils le savent très bien, ces plans, que c'est seulement la paix pour l'homme qui compte. Parce que dans cette paix, il y a quoi? Il y a un, la liberté, la reconnaissance de savoir qui l'homme est dans sa vibration, et il y a aussi l'unicité totale et parfaite de l'homme en tant qu'ego fusionnel avec les énergies de sa volonté, de l'amour et de l'intelligence pour être un jour lui aussi immortel. La lumière sait cela, et l'homme doit le savoir intégralement un jour, et c'est en assumant totalement sa vibration qu'il le saura.